Chapitre 121. La recommandation de choisir le juste milieu dans la manière de s'habiller et de ne pas se contenter d'une tenue misérable si ce n'est par nécessité ou pour des raisons religieuses. 803. Amar ibn Shu'aib rapporte d'après son père, selon son grand-père, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah aime certainement voir la marque de ses faveurs sur son serviteur. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ».